Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org. Tami Ichino, tambour flottant. Oui, alors, tout d'abord, en fait, je travaille comme artiste, peintre et plasticien. J'ai travaillé en 2018 dans le cadre de l'exposition personnelle qui s'appelle Silent Vibration. J'ai fait des installations de sculptures et de peintures qui parlent de perception sonore. Mais aucun travail qui n'avait pas de son qui se dégage, voilà. Donc, je parle plutôt de phénomènes physiques et de concepts de son à travers ma peinture et la sculpture. Et par la suite, j'ai été invitée cette fois-ci avec Marie Johnson pour faire une installation dans l'espace. Et je pensais que comme c'est un festival de musique contemporain, je voulais essayer pour la première fois quelque chose qui fait le son avec mon travail. Et puis, comme je fais la peinture sur toile, aussi la forme de tambour, en fait, c'est une installation aussi entre la peinture et le tambour. Donc, voilà, je voulais un peu mixer cette forme. Donc, l'idée de tambour, déjà, c'est venu du travail que mes neveux qui font, parce qu'en fait, ils sont musiciens, ça m'a inspiré de voir comment il joue le tambour. En fait, c'est un tambour qui s'appelle Eisa Drum Dance au sud du Japon. Et puis, l'été dernier, j'ai fait des enregistrements de son, j'ai fait la photographie de le tambour. Et puis, voilà, je voulais mettre un peu dans mon travail à partir de ce tambour. Et voilà, donc l'installation que j'ai faite pour Archipel, j'ai utilisé le cadre en bois, en MDF, et j'ai fait couper en cercle. Et ensuite, j'ai teint le toile que j'utilise habituellement dans le peinture, et j'ai coloré comme une volume. C'est une crue que j'utilise habituellement sur mes toiles. C'est le crue de fond de mes toiles, on dit. Et puis ensuite, j'ai tendu et puis j'ai mis le col de lapin en plusieurs couches pour que le toile qui tend comme le tambour. Ensuite, j'ai fait suspendre à l'ordre d'entrée de maison communale de Plainpalais pour que ça flotte. Et ensuite, le spectateur, le visiteur, puisse demander des baguettes au personnel pour qu'on puisse résonner le son. Alors, évidemment, avec la grandeur de toile, donc tambour, toile, est différent, donc le son change avec la taille du tambour. Mais aussi, c'est pour la première fois que j'expérimente de fabriquer le tambour, donc j'ai regardé un peu partout. Mais bien sûr, quand il y a plus de tension ou moins, ça peut varier. Et voilà. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment chercher le son précis pour ça. Je voulais, voilà, en fonction de la force que je tends, naturellement, je laissais faire parce que, voilà, pour moi, c'est entre les deux, le peinture et le tambour, donc c'est pas forcément fabriquer le son absolu et puis, voilà, et puis de toute façon, ça change aussi avec la baguette et la force, comment les gens tapent aussi, même si ça indique qu'on tape délicatement pour ces pièces, voilà, ça peut de toute façon varier le son. Dimitri de Perrault. Alors, l'installation s'appelle Into the Dirt. Et je l'ai produite en fait maintenant ici pour le Festival Archipel. Ben, c'est un sol qui fait 4 mètres sur 4, sur lequel sol qui lui joue de la musique, joue des sons, joue des bruits, qui raconte acoustiquement en fait un peu ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et on peut se coucher dessus, on peut marcher dessus, s'asseoir ou se coucher et écouter ce qu'il nous raconte. Ben en fait, mon travail, souvent, ça joue beaucoup avec l'espace et les trois dimensions. Et je pense que c'est là où on peut être très emballé comme personne qui se met au milieu de ce monde que je propose. Après moi, ici, évidemment, l'idée de changement de perspective, donc se mettre à même le sol, là où d'habitude, on dirait peut-être c'est sale, je sais pas, est-ce que j'ai envie de me mettre là, et d'avoir les oreilles au niveau des souliers, au niveau de là où il y a un peu le... Ouais, où on n'a pas l'habitude de se mettre et on sait pas si on veut vraiment être là. Évidemment, ça m'intéresse, donc nous aussi, quand on écoute le monde, il est trois-dimensionnel, alors je pense que si... on pouvait écouter ce qu'entend une souris, peut-être ce serait ce qu'elle entend dans vos quotidiens ou nos souliers, je ne sais pas. Pour moi, the dirt, c'est, on peut aussi dire le sol, d'une manière générale, c'est aussi la richesse, c'est de là qu'on vient tous, c'est de là qu'on... tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, sort à un moment ou un autre, sorti du sol, et c'est là aussi on retourne à la fin. Donc je trouve plutôt qu'il y a une espèce de contradiction de définir les choses, qu'elles soient propres ou pas, que notre rapport aux choses est très... on sélectionne beaucoup comment on les définit, et c'est plus là où je dis, mais allons écouter aussi ce qui est peut-être pas là... ce qu'on a défini comme justement peut-être pas être là où on veut être, ou ce qu'on considère être justement peut-être ça, je sais pas. Donc, j'ai plus envie de retourner un peu cette question, à se dire, mais allons voir aussi ailleurs que dans nos acquis et de ce qu'on a l'habitude de voir. Et de... Ouais, c'est beau parce que ça me fait rire aussi souvent. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Mais ça me touche de voir que quand même, il y a beaucoup de gens qui prennent le plateau, qui se couchent, qui se prennent un temps, qui font une pause peut-être, qui se laissent aller. Enfin, après, comme moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans le théâtre. Tu as le rapport est un peu différent. Tu as plus le moment de l'applaudissement, puis après tu vois le public ou certains du public viennent te parler. Là, ils ne savent pas vraiment qui je suis, donc je n'ai pas un rapport. Il n'y a pas ce moment de... voilà, c'est fini et on se retrouve. Donc ça reste un secret aussi. Qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont pris. Mais moi, ça me touche aussi. Je trouve que c'est aussi beau comme artiste de faire un pas en arrière, de dire voilà, je propose et maintenant les autres prennent et c'est leur secret de ce qu'ils en ont pris et où ils vont avec. J'aime beaucoup vraiment prendre ce qui traîne et travailler avec... Là, donc, je me suis dit, bon, le sol, qu'est-ce qui est au sol? Les choses qu'on lance par terre, qu'on balance, j'ai un peu vidé la poubelle, regarder, vu ce qu'il y a dedans. J'ai pris vraiment des choses très concrètes et je pense que c'est... On sent, je crois que c'est familier, c'est quelque chose que je connais, qui pourrait être mon quotidien, ça pourrait être dans ma chambre, dans ma cuisine ou dehors, quand je suis dans la rue. Et je pense que ça, c'est une invitation aussi à dire, tiens, c'est mon monde, c'est là où je me promène, c'est autour de moi. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec des sons concrets et j'utilise quasiment jamais d'effets digitaux comme ça, il n'y a pas d'effet. C'est tout, c'est l'espace dans lequel j'enregistre. Moi, je suis aussi très... libéré de l'idée qu'il y a le son parfait ou le micro parfait. Ou je travaille très, très comme ça avec ce qui vient. Et c'est la vie, je trouve. Et puis je trouve que je trouve que ça donne une âme aussi à une œuvre si elle n'est pas stérile, quoi. Voilà. Laurie Anderson, The Handphone Table. On entend en se bouchant les oreilles. C'est trop marrant. Qu'est-ce qu'on entend? Bah, on entend une espèce de orgue. Comme instrument, un thème, une petite mélodie, un peu mineure, un peu majeure, irrégulière, mais la plupart assez rythmique. Ça va avec le bois, donc il y a une point de rencontre entre la matière musicale et la matière physique de la table, et aussi le fait que, comme on entend le son, donc c'est par vibration, rend tout assez étouffé. Donc il y a une grande cohérence entre le matériau physique, sonore et la couleur de ce qu'on entend. C'est matériel, je dirais presque minimal quelque part. Bon, c'est Laurie Anderson, donc ça fait du sens. C'est une matière minimale, mais un peu off, un peu... pas très régulière. Et ça nous demande de faire un effort pour aller vers le son. C'est ce qui est intéressant aussi dans la musique, dans les concerts, la musique qu'on ne comprend pas énormément. C'est toujours une espèce de « viens vers moi, écoute-moi ». Ici, c'est quelque chose de similaire. Il faut faire un peu l'effort d'aller vers la source du son. En plus, on résonne, en fait, parce que c'est vraiment basé sur la vibration. Donc, on devient nous-mêmes encore en vibration. L'extension de la table, c'est nous. The way you moved through me. La façon dont tu bouges à travers moi. C'est joli parce que c'est encore quelque chose qu'on peut avoir en double lecture, ça. C'est-à-dire le son littéralement qui bouge à travers moi, le corps, les os. Et évidemment, on entend un peu, alors mon anglais est moyen, mais ça fait un petit peu aussi comment toi, une personne, habite à l'intérieur de moi. Donc il y a quelque chose un peu d'une présence fantôme, peut-être d'un souvenir. Je crois que Laurie Anderson, elle s'intéresse toujours à ça, à des choses un peu personnelles. Qu'elle le fait revivre d'une manière ou d'une autre dans ses pièces. Et alors, ce que je trouve magnifique dans cette installation, c'est la double lecture. C'est-à-dire qu'on a l'expérience de celui qui se pose à la table et écoute. Mais pour quelqu'un qui passe devant vous, et ben on voit des personnes qui se bouchent les oreilles, qui se tiennent la tête dans les mains, avec les coudes sur une table, avec une position de fermeture. Et ce qui est du coup exactement l'opposé de ce qu'on s'imagine dans l'idée de l'écoute. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est un des trucs qui me... c'est cet aspect, je crois, qui me touche le plus. Pierre Bastien, un orchestre de papier. Sonore de Pierre Bastien. Quand on entre dans la salle, il fait sombre et l'installation s'allume. Il y a plusieurs tambours sur lesquels sont posés des ventilateurs et des lamelles de papier. Plus au fond, il y a d'autres types de ventilateurs avec des lamelles qui vont créer des sons comme d'harmonium. Chaque élément a aussi sa petite lumière qui va créer des ombres dans la pièce selon le mouvement qui sera créé par la vibration des lamelles de papier ou de la rotation des flûtes, par exemple, qui sont au milieu, comme des flûtes d'orgue mais en papier. Il y a quelque chose de très savant et de très simple à la fois, très joueur. C'est assez fascinant. Les éléments se mettent en marche selon une composition préécrite et nous jouent une sorte de petit spectacle.